saison de hockey approche à très, très grands pas. Et bon, ça a toujours été le problème en début d'année de Louisville-Mississinée au cours des dernières années. Qui va être entraîneur dans quelle catégorie? Question de savoir maintenant s'il y a les mêmes problèmes que l'année passée parce que ça a été difficile. On se rappelle qu'il y avait eu pas mal de maux de tête. On parle avec celui qui est en charge des entraîneurs au hockey mineur de Louisville-Mississinée, Robin Williams. Salut, Robin! Oui, ça va bien, ça va bien. Robin, as-tu eu les mêmes maux de tête que l'année passée ou ça va mieux cette année? Non, je dirais que cette année, c'est beaucoup mieux que l'an passé. Là. On est à l'aube du début de saison, comme tu parlais. Ouais. Puis, tous nos entraîneurs sont sélectionnés et se préparent pour leur camp d'entraînement. Okay. Est-ce que tu as eu beaucoup de choix ou ça a été, ils ont été pris parce que dans le fond, on n'a pas beaucoup puis, puis finalement, on a décidé d'y aller avec eux? Donc, quand même, on a eu quand même beaucoup de candidats. Cette année, c'est sûr qu'on a fait plusieurs annonces par le biais de Facebook et de notre site Internet. Okay. Ça a généré quand même des mises en candidature intéressantes. Là, puis on a dû sélectionner pas toute la plupart des catégories. OK. On va y aller avec l'Atome. Qui va diriger l'Atome 2C cette année? L'Atome 2C, ça va être Jean-Philippe Lemieux. Okay. Qui était là comme assistant l'an passé. Oui. Donc, il y a une bonne expertise. Puis, il avait déjà coaché dans le Atome, dans le Novice A. Ouais. Puis, c'est ça. Il est bien motivé là, à commencer l'année. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait peut-être des jeunes qui seraient prêts à venir, en tout cas, au moins un jeune d'âge midget qui serait intéressé là, à venir prendre le poste d'assistant entraîneur. Ça, c'est une chose qu'en tout cas, le hockey mineur trouve très intéressant parce que des jeunes qui veulent l'entraîner sont de plus en plus. Ouais. Puis, en tout cas, on tente de les accueillir, puis on veut aussi les encourager, puis les protéger aussi, là, pour parce que c'est notre relève. Oui, effectivement. Pour ça, très intéressant. Okay. Au niveau maintenant, Pee-Wee. Pee-Wee, ce sera Sébastien Godette qui va être entraîneur-chef, qui a une bonne expertise en termes de hockey, puis tranquillement aussi au niveau coaching. Ça fait quelques années que Sébastien est en poste, là, comme soit entraîneur ou entraîneur adjoint. Donc, je pense qu'il ça faisait plusieurs années qu'il nous le demandait, mais je pense qu'il est mûr là, pour cette année-là, pour prendre une équipe. OK. Maintenant, la catégorie, c'est une catégorie quand même importante parce que cette année, c'est là que la mise en échec, on sait qu'elle est interdite, ouais. Donc ça va demander... Excuse-moi, Danny, juste pour terminer, pour dans le puis oui, encore une fois, il y a des jeunes qui se sont manifestés. Ah, OK, c'est bon, ça? Adjoint entraîneur pour... Je sais que Sébastien est en pourparler présentement là, avec un ou deux jeunes là, La catégorie Bantam, maintenant une catégorie importante, comme je disais, cette année, parce qu'il y a des changements importants. La mise en échec cette année est interdite, donc ça va demander une acclimatation pour beaucoup d'adaptation pour tout le monde. Qui va diriger les rapides? Puis optimiste, à part ça, c'est les rapides. Donc les rapides Bantam. Ça va être Luc Fortin, qui était là comme entraîneur, là, Pee-Wee l'an passé. C'est bon choix, ça. Qui a fait une job incroyable l'an passé, qui était au championnat provincial contre toute attente. Donc, c'est lui qui va prendre les rênes des rapides Bantam cette année. Okay. Oui, comme tu l'as mentionné, il va y avoir des ajustements à faire. On parle de l'abolition, c'est plus... on va réglementer la mise en échec. Il va quand même avoir un contact physique. Justement, ce soir, il y a une formation qui va être donnée par un entraîneur maître de hockey Saglac qui va informer nous autres, en tant qu'entraîneurs, en tant que conseiller technique, puis tous les entraîneurs là, du Pee-Wee, Bantam et Midget ont reçu la formation là pour nous expliquer la nouvelle réglementation. Puis ce soir, ça va être les jeunes et les parents qui vont ils vont suivre cette même formation. La Ligue, je ne sais pas si tu es au courant, mais la Ligue va se donner jusqu'aux fêtes, j'imagine, d'être moins sévère, au moins jusqu'aux fêtes. Là. C'est toute une adaptation. Là. Ça fait des années que la mise en échec est acceptée, puis là, finalement, on l'a interdit. Donc, ça va demander probablement toute une adaptation. Là. Je te dirais que ça va être très difficile pour les arbitres. Ouais. Je pense qu'il il va falloir être très indulgent parce que la nouvelle réglementation, il y a beaucoup d'interprétations, ça va être difficile pour nos, nos, aux arbitres surtout en début de saison, de s'adapter à ça, selon moi. Donc c'est pour ça que oui, il va y avoir une période d'adaptation. Puis il va falloir être indulgent, mais je pense que dans tout ça, il y a eu une mauvaise publicité qui s'est faite en disant au monde on abolit la mise en échec, alors que le contact physique est encore là. C'est ça qu'on va expliquer ce soir. Puis on aurait pu simplement dire bon, on change la réglementation de la mise en échec. Je pense que ça aurait fait moins de vagues que ça ne l'a fait. Peut-être mal publicisé. Les castors de Dolbeau, ça fait des années que c'est difficile. Donc, est-ce que Sébastien Godreau revient? Sébastien Godreau nous a informé qu'il voudrait plus prendre. Okay. Il veut rester là quand même dans le coaching staff, mais il voudrait plus s'occuper des gardiens de but. Donc, on a eu des discussions avec Daniel Tremblay qui était là comme assistant, ouais, qui est anciennement là. Entraîneur des Éperviers. Donc, ça va être Daniel Tremblay qui va prendre le poste d'entraîneur-chef. OK, parce que Daniel, parce que je sais qu'il a lâché les Éperviers dernièrement parce que il me disait qu'il y avait moins de temps. J'imagine qu'il y a plus de temps, quoi? Oui, c'est ça que moi, j'ai eu une bonne discussion avec, puis j'ai demandé si son emploi du temps est doué. Écoute, il est occupé un peu par les bleuets, mais il dit c'est une passe qui est passée. Puis là, il semblait là être très intéressé là à prendre le poste d'entraîneur-chef des Midgets. OK. On va parler maintenant du côté du maison. Est-ce que l'ancien Pelette, est-ce que ça a été choisi? Est-ce que là, c'est sûr que ça presse un peu moins, mais la plupart, est-ce que c'est quand même fait? Non, c'est pas fait, puis on peut pas le faire tant aussi longtemps que les équipes double lettre. Ouais, ils sont pas formés. Tu comprendras, sont pas formés. Évidemment, si on va dans le novice et le pré-novice, il y a des leçons mag à suivre, donc il faut que ça suive son cours. Donc ça va se faire au moment opportun, quand le camp d'entraînement des double lettres va avancer, puis les équipes vont être formées. Suite à ça, ben là, ils vont avoir aussi une période de sélection pour qui va faire le simple lettre, le A ou le B. Et en ce moment-là, on choisira les entraîneurs. OK. Maintenant, les camps d'entraînement commencent quand, la plupart des équipes? Là, en fin de semaine, c'est l'ouverture des glaces. OK. Il y a samedi et dimanche. Ce soir, c'est la formation théorique sur le contact physique. OK. En fin de semaine, on a deux séances de formation sur glace pour la mise en échec au niveau Pee-wee, Bam-Tam et Midget. Pas sur la mise en échec, mais le contact physique, la nouvelle réglementation. Donc, il y a deux formations sur glace. Puis suite à ça, en début de prochaine semaine, le camp de mise en forme et les camps d'entraînement vont commencer. OK. Est-ce que, Robin, je veux poser une question. Est-ce que niveau l'équipe Midget Bantam, Bantam, ça a quand même, je me rappelle bien, ça a quand même bien été, mais est-ce que cette année, on va avoir une bonne équipe? Écoute, on le souhaite toujours. Moi, ce que je dis aux entraîneurs, c'est qu'on veut à tout le moins voir une progression au cours d'année. C'est ce qu'on veut voir. Tu sais, c'est sûr que viser tout le temps la tête, c'est difficile. Je pense que ce serait impossible de penser ça pour toutes nos équipes, mais je pense qu'il faut penser progression au développement des joueurs. Si chaque entraîneur développe bien ses joueurs, il va bien développer son équipe puis ils vont performer. OK. Tout. C'est ce qu'on va demander à nos équipes. Bon, toi, Robin, est-ce que tu reviens? Parce que on sait que l'entreprise prend de plus en plus d'expansion. Ça va de mieux en mieux pour BM Metal, ton entreprise. Est-ce que, donc, ça demande plus de temps? Est-ce que tu reviens en charge des entraîneurs cette année? C'est sûr que, comme tu dis, l'emploi du temps est plus difficile avec le business. Non plus, je ne veux pas abandonner le hockey mineur. Donc, j'ai informé Danny que c'est possible, Denis Lavoie, le nouveau président, parce qu'Alain a dû quitter son poste. J'ai informé Danny que s'il était capable de se trouver un responsable des entraîneurs, ce serait quand même bien, parce que moi, je pourrais pas offrir un service qui va être adéquat avec mon emploi. OK. Par contre, je demeure toujours disponible si, lorsque vous aurez trouvé cette personne-là pour de la consultation ou de l'aide, tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, je ne veux pas vraiment pas laisser tomber l'or qui menace parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Donc, c'est ça la situation actuellement. Je sais que Danny, il allait penser à des candidats potentiels. Peut-être qu'il n'aura pas en début d'année, mais peut-être qu'en fin d'année, il y en a un qui va s'affirmer et qui va vouloir prendre la relève. Ça va me faire plaisir de lui donner. Effectivement. Ben, Robin Bouliane, félicitations. C'est pas mal encourageant cette année de voir que l'équipe est bien partie. Donc, ça va bien. Et on va se reparler très, très prochainement, certainement, durant l'année. Très optimiste pour la prochaine année. J'espère que ça va bien aller. Robin Bouliane, le responsable des entraîneurs au hockey mineur de Dolboum-Cessny.